Une réunion internationale de l'Association d'amitié avec la Corée en faveur de la réussite du rendez-vous en l'honneur des grands hommes Pectosan 2017 a eu lieu récemment à Dublin, en Irlande. Y étaient présents les représentants des succursales de l'Association d'amitié avec la Corée, ses succursales danoises, suisses, suédoises, françaises, polonaises, irlandaises, britanniques, italiennes, espagnoles et américaines. L'assistance a écouté un rapport des lettres de félicitations adressées à la réunion et des discours avant de lancer une déclaration favorable à l'appel du comité préparatoire international du rendez-vous en l'honneur des grands hommes Pectosan 2017. Une lettre à l'adresse du maréchal Kim Jong-un a été adoptée.